Bouger au bout du fil. Pardon, Yannick Mercier. Bonjour Yannick. Bonjour. On peut toujours rêver, c'est en plein dans la lignée des entretiens qu'on a, vous et moi, une fois par mois, sur des utopies concrètes. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes économiste, que vous êtes également blogueur invité au Voir, que vous êtes responsable des recensions d'essais sociopolitiques au Huffington Post, chroniqueur en économie des arts au webzine Radville et auteur de nombreux articles et chapitres de livres. Donc, comme je le disais, c'est le deuxième d'une série d'entretiens que nous avons chaque mois sur des utopies concrètes. D'ailleurs, en réfléchissant sur le problème et la solution que nous allons aborder aujourd'hui, et nos auditeurs vont comprendre pourquoi je commence comme ça quand ils vont connaître l'utopie concrète dont il sera question, je me suis imaginé devant expliquer à quelqu'un, n'en ayant jamais vu ce qu'est la monnaie, j'avoue avoir trouvé l'exercice assez compliqué. Et on va pas tant essayer de comprendre ce qu'est la monnaie, présumant que j'imagine que chacun l'utilise sans trop se poser cette question. Enfin, quand on est à la caisse et qu'on tend un billet de monnaie, on se demande pas, mais qu'est-ce que j'ai dans les mains, n'est-ce pas? Mais on va plutôt parler de monnaie alternative ou de monnaie complémentaire. On va pas parler d'alternative à la monnaie, ça serait un tout autre sujet. Allons-y donc avec le problème qui a amené certains à imaginer cette utopie concrète. Quel est ce problème, Yannick Mercier? Ben, il peut être d'origine très multiple, en quelque sorte. On peut imaginer, par exemple, des situations où la monnaie traditionnelle, donc celle qu'on connaît, là, comme le dollar canadien, ne fonctionne plus. On le voit dans des crises importantes. Par exemple, on l'a vu en Argentine il y a quelques années où la situation économique se dégrade tellement que la monnaie n'a plus de valeur, les banques ferment leurs portes pour éviter que tout le monde vide leur compte de banque, etc. Donc, on est contraint là de trouver des moyens alternatifs là pour utiliser un anglicisme à la monnaie traditionnelle. D'autre part, il y a aussi, ça peut venir d'une volonté de contester en fait l'existence même des monnaies traditionnelles. Donc, c'est à ce moment-là un geste militant d'opposition au système économique. Et ça, on le voit depuis, je dirais, peut-être 20 ans. Là, c'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps, mais on le voit émerger depuis 10-20 ans dans plusieurs sociétés comme la nôtre, où des groupes communautaires, par exemple, décident d'essayer des expériences. Hein, c'est des expérimentations où on invente, en quelque sorte, de nouvelles monnaies pour remplacer la monnaie traditionnelle. Oui, on a ici la corderie à Québec. C'est pas exactement de la monnaie complémentaire, mais il y a quand même des billets qui s'échangent pour des services. Alors, on est un absolument. Et en fait, tous les systèmes d'échange parallèles, communautaires, de troc, etc., se rapprochent beaucoup de ces monnaies dites complémentaires ou locales, dans ce sens où, dans les deux cas, on cherche à contourner les institutions traditionnelles existantes. Encore une fois, pour plein de raisons, là, dans le cas du Canada, c'est évidemment pas parce que le système économique est en train de s'effondrer, mais bien parce que on cherche des alternatives à un système qu'on considère illégitime, immoral, ne prenant pas soin de la communauté, etc. Oui, en fait, c'est ça. Vous avez bien cerné. Il y a comme les deux. Moi, ça me rappelle l'Italie, il y a un certain nombre d'années où c'était épouvantable, l'argent perdait constamment de la valeur. Il y a cet aspect-là des choses, mais il y a aussi, comme vous l'avez bien dit, les gens qui veulent, bon, soit pour contester ou tout simplement pour faire autre chose, qui développent finalement des monnaies complémentaires. Quelles sont les causes finalement de ces attitudes? Ben, essentiellement, on vient de le dire un petit peu, mais oui. Essentiellement, c'est... Vous allez creuser un peu. Un système qui ne fonctionne plus en fonction des besoins humains. Je résumerais ça de façon un peu caricaturale comme cela. C'est-à-dire que on considère que toute la sphère financière et monétaire n'est plus au service du développement des communautés, de l'humain. On peut prendre l'exemple de la Grèce actuellement. La Grèce qui est fortement touchée depuis plusieurs années par les mesures d'austérité imposées par le Fonds monétaire international. A fait en sorte que dans plusieurs communautés, à Athènes comme ailleurs, on a développé des systèmes monétaires parallèles pour s'éloigner en quelque sorte de ces dictats de la haute finance et retrouver une vie économique plus proche des communautés. Donc c'est en quelque sorte causé par la déconnexion du système système monétaire et financier par rapport aux besoins immédiats humains. Une monnaie sert tout simplement, c'est un moyen de pour faciliter les échanges, doit servir en quelque sorte la communauté. Et on considère que ça n'est plus le cas, tout simplement. Je vais me faire un peu l'avocate du diable parce que moi, ça me rappelle ces entreprises qui fondaient des villes et qui contrôlaient toute l'économie de la ville parce qu'elles avaient carrément créé leur monnaie. On ne peut utiliser que oui. leur monnaie. Il y a un peu ce danger-là aussi. Bien, c'est-à-dire que tout est dans l'intention de départ. Hein? Tout est oui. dans la l'objectif qu'on désire remplir avec ce projet-là. Effectivement, de façon factuelle, structurelle, on peut dire que la monnaie Canadian Tire, par exemple, est une monnaie complémentaire, ou les Air Miles, mais là, c'est à des fins purement commerciales, évidemment. Oui. Lorsqu'on crée une monnaie locale, communautaire, c'est évidemment pas dans un objectif commercial. C'est pour favoriser le rapprochement des individus dans la communauté, l'économie locale, de renforcer, en quelque sorte, le tissu social et économique. Donc, c'est les intentions qui sont beaucoup plus importantes à regarder ici que les moyens mis de l'avant pour le faire. Oui. Venons-en à peut-être élaborer sur certaines solutions là, concrètes. Puis j'imagine que certains ont en tête les monnaies aussi que permet Internet maintenant, les fameux bitcoins et compagnie. Là. Oui, ben là, on est encore dans l'ordre du moyen. Ça peut être autant des petits bouts de papier que des outils sophistiqués sur le web. Concrètement, ce qu'on voit dans ce genre de monnaie-là, là, je reviens avec l'exemple de la Grèce, où il y a, de mémoire, là, plus d'une quarantaine de communautés qui ont adopté une monnaie locale qui s'appelle le soleil. Quelque chose qui est rayonnant, qui se veut positif. Oui. Ce qu'on cherche à faire, c'est que il y a des marchands, des commerçants et des consommateurs, donc des individus qui acceptent d'utiliser une monnaie alternative qui n'est acceptée que dans cette communauté-là, par un nombre de participants volontaires et libres d'utiliser cette monnaie-là. Pourquoi? Ben d'abord et avant tout pour favoriser l'économie locale. C'est-à-dire qu'on dit, ben nous, on va aller uniquement chez les commerçants, par exemple, qui acceptent d'utiliser la monnaie, le fameux soleil en question. Comme ça, on favorise uniquement nos petits producteurs, nos artisans, nos commerçants locaux. D'autre part, il y a plusieurs monnaies, et on en connaît au Canada, et plus spécifiquement au Canada anglais, en fait, étrangement, hein, des monnaies qui sont vraiment communautaires dans le sens où elles sont échangeables contre la monnaie traditionnelle, donc ici le dollar canadien, mais il y a une portion dans l'échange. Donc, par exemple, j'échange 90% de la valeur de cette monnaie locale pour le dollar canadien et le 10% de différence est capté dans la communauté par un organisme communautaire qui s'en occupe pour le redistribuer à des organismes caritatifs, à des organismes communautaires, donc pour financer, autrement dit, des projets communautaires. C'est une bonne idée. Donc, vous voyez, c'est un paquet de petits mécanismes très simples en général, mais qui vise à solidariser les liens individuels dans la communauté, en quelque sorte. Oui. Venons-en maintenant aux échanges électroniques à plus grande échelle. J'aimerais quand même qu'on en dise un mot parce que, bon, tout le monde connaît le fameux Bitcoin, là. Oui. On a l'impression qu'il est en train de se développer comme une économie parallèle sur Internet. Est-ce que je me trompe? Bien, c'est un peu difficile à dire parce que, dans le sens où, oui, c'est vrai, c'est une réalité. Dans le Bitcoin en est un exemple, ça existe. Là où il est difficile de porter jugement, c'est qu'on ne connaît pas encore l'ampleur que ça aura dans le futur. Pour l'instant, ça demeure relativement marginal quand on pense à l'immensité de la sphère financière et monétaire mondiale. Donc, même si c'est généralisé dans le sens où c'est accessible partout sur la planète à quiconque a un accès sur Internet, tant est fait, l'ampleur en termes quantitatifs là, de ce phénomène-là est relativement, voire très, très limitée. Comment ça va se développer dans le futur, c'est très, très difficile de le dire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des expérimentations à mon sens. On essaie de nouvelles méthodes ou de nouveaux moyens pour contourner les institutions traditionnelles. Donc, de recréer en quelque sorte des communautés politiques et économiques hors des institutions traditionnelles. Évidemment, ça peut être très négatif parce que, comme on le sait, par exemple, les bitcoins sont beaucoup utilisés blanchiment d'argent, des transactions illégales, etc. Mais en revanche, ça peut être aussi très positif, comme toutes ces monnaies alternatives qui cherchent à, au contraire, resolidariser le lien social et économique. J'en reviens aux intentions. Hein. C'est qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est quoi? Quels sont les objectifs visés par ces outils qu'on diffuse? C'est là où réside la véritable interrogation et l'intérêt de la chose à mon sens. Concrètement, les auditeurs qui nous écoutent et qui se disent « Oh, la bonne idée, monnaie complémentaire », est-ce qu'il y a une façon de s'y prendre? Est-ce qu'il y a une façon, quelqu'un qui voudrait démarrer une communauté, par exemple, une monnaie à l'intention d'une communauté, est-ce qu'il y a des ressources qui existent? Est-ce qu'il y a une façon de fonctionner? Oui, il y a plusieurs expériences qui se sont multipliées, c'est-à-dire qu'il y a eu des copies un peu partout dans le monde. Là, on peut penser, là, si on dépasse un petit peu la monnaie, là, tous les échanges de troc, les systèmes de troc, pardon, les systèmes alternatifs d'échange et tout ça, il en existe, ils sont répertoriés, ils sont documentés. On pourra d'ailleurs mettre sur le site de l'émission un certain lien dans les prochains jours pour là-dessus. Oui, on les Il y a donc des espèces d'inspiration, voilà le terme que je cherchais, qui existent et qui peuvent être reproduites dans les communautés. C'est souvent des organismes communautaires existants qui prennent l'initiative de valoriser, de développer ce genre de systèmes alternatifs, encore une fois, en cohérence avec des objectifs communautaires bien identifiés à l'avance et non pas pour le plaisir de le faire. Là. On cherche à développer, à renforcer des communautés existantes et à solidariser les individus qui en font partie. Là, tantôt, vous nous parliez d'exemples au Canada en anglais, d'exemples en fait où non seulement on développe une monnaie complémentaire, mais même on garde une partie finalement de la valeur qui circule pour caritatives. Est-ce que au Québec il y a des exemples? Bon, je parlais de la corderie tantôt, mais c'est plus ou moins monnaie complémentaire. Mais à votre connaissance, est-ce que ça se développe au Québec? Beaucoup moins. Ce qu'on voit au Québec, il y a une étude là que je me répète, mais que je ferai partager avec sur le site web de votre émission. Il y a une étude faite par des chercheurs à l'Université Laval sur les systèmes d'échange complémentaires. Donc, on parle moins de au Québec, on est moins dans ces monnaies alternatives que dans des communautés. Il y en a autant à Rimouski, Saint-Adèle qu'à Montréal ou Québec, comme la Corderie. Qui développe justement des réseaux d'échange de services, donc de troc pour des biens ou des services, par exemple. Et donc, ils mettent en relation des artisans, des petits commerçants, etc., pour pouvoir se solidariser dans la communauté. Donc, au Québec, ce qu'on voit un peu plus, c'est, là, j'ai pas d'explication, je suis pas sociologue, là, pourquoi ça se développe un peu davantage dans le Canada anglais qu'au Québec, de monnaie alternative, mais en revanche, ces réseaux d'échanges différents existent davantage au Québec. Bon. Alors, c'est une question de confiance aussi, hein, n'est-ce pas? Il faut quand même que les gens aient confiance en cette monnaie complémentaire. C'est beau la développer, mais... C'est une excellente observation parce que la monnaie, par définition, donc telle qu'on la connaît, là, la monnaie traditionnelle, n'est basée que sur la confiance. Hein. Ouais. Si vous acceptez de ma part un billet de papier, bon, j'allais dire de papier, mais maintenant c'est de plastique, de 20 $ n'a aucune valeur en soi. Là, c'est quand même juste un billet avec quelques illustrations vertes dessus. Ouais. C'est que vous avez confiance que demain, vous allez pouvoir utiliser ce même billet de 20 $ pour acheter un bien ou un service dans une autre situation. La monnaie n'est basée que sur la confiance, la monnaie telle qu'on la connaît. Alors une monnaie alternative, ça sera la même chose. Elle doit être, elle aussi, basée sur la confiance. La différence, c'est que là, la confiance n'est plus institutionnalisée. C'est-à-dire que c'est pas l'État qui représente la garantie, en quelque sorte, du maintien de la valeur de cette monnaie, mais bien le lien social plus immédiat, plus concret, en quelque sorte, avec les individus qui partagent cette monnaie-là. En terminant, Yannick Marcier, je voudrais quand même rassurer nos auditeurs. Ils peuvent tout à fait sortir leur billet de 5, de 10, de 20 $ pour payer à la caisse. Là. Ça ne va pas s'effondrer demain matin. Mais n'empêche que on a quand même eu chaud en 2008, hein, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui dit que ça ne se reproduira pas. Ouais, il y a un paquet, dans l'histoire, il y a un paquet d'exemples qui existent l'environnement monétaire, mais effectivement, on peut se rassurer, on a un des systèmes bancaires et financiers et monétaires les plus solides au Canada, ce qui n'empêche pas de le critiquer, évidemment, et de trouver des solutions pour améliorer les choses. Bien, merci beaucoup, Yannick Marcis. C'était fort intéressant et comme vous l'avez indiqué vous-même, on va mettre sur notre blog quelques liens vers soit des exemples concrets, là, surtout au Canada anglais, vous l'avez dit, ou peut-être même ailleurs dans le monde. Si vous avez des exemples même en Grèce, ce serait intéressant d'orienter nos visiteurs vers ces exemples-là. Et aussi cette étude de l'Université Laval. Tout à fait. Ma foi, fort intéressante. Merci et on se reparle dans un mois d'une autre utopie concrète. Avec grand plaisir. Au revoir. Bonne journée.